Chapitre 2. Paris a peur. Fouinard avait raison de qualifier d'étrange les incidents que cette mort subite semblait entraîner après elle, et la suite des faits justifia de plus en plus l'épithète. Voici en effet ce qui se passa. Le médecin appelé pour constater la mort de Pierre Chardin avait été frappé d'une circonstance peu ordinaire. Alors que dans l'apoplexie ou l'embolie, les membres du décédé sont mous, flasques et ne prennent la rigidité cadavérique que dans les délais habituels. Au contraire, le corps du malheureux auteur dramatique présentait immédiatement après le décès une raideur musculaire des plus intenses. Cette raideur persista pendant plusieurs heures, tandis que la chaleur vitale subsistait encore. En outre, les membres raidis présentaient une teinte violacée très caractéristique. Ces symptômes bizarres, inaccoutumés, retinrent l'attention du praticien qui communiqua l'observation aux deux plus grands médecins de notre époque, les docteurs Préside et Mariette, qui étant liés de longue date avec l'auteur dramatique, étaient accourus à la première nouvelle de l'accident. On crut d'abord une attaque de tétanos, mais les médecins firent remarquer que le trismus du tétanos n'avait jamais le caractère de soudaineté et que les convulsions, loin de provoquer instantanément la contraction des muscles, se déclarent d'abord sur un point déterminé et gagne de proche en proche et plus ou moins lentement les autres parties du corps. Enfin, le tétanos ne se produit jamais qu'à la suite d'une plaie, quelquefois si petite qu'elle en est presque invisible. Mais dans le cas de Pierre Chardin, cette hypothèse ne pouvait trouver place. Le corps était indemne de toute lésion extérieure, quelle qu'elle fût. Le docteur Mariette se rappela tout à coup qu'il avait déjà remarqué cette étonnante rigidité musculaire dans un cas très récent, celui du chanteur John Massey, dont le décès, comme nous l'avons dit plus haut, avait présenté la plus parfaite analogie avec celui de Pierre Chardin. Comme l'auteur dramatique, l'artiste lyrique n'avait présenté aucun symptôme de malaise. Il s'était levé en excellente santé, avait fait comme d'ordinaire quelques vocalises pour constater si la voix était bonne. Il avait lu ses journaux, reçu quelques visites, fait sa correspondance, puis on avait entendu un grand fracas dans son cabinet. C'était le malheureux artiste qui venait de tomber de toute sa hauteur, foudroyé. On avait attribué la mort à l'apoplexie et l'état de rigidité des membres n'avait pas préoccupé les médecins alors qu'ils employaient les révulsifs et autres moyens propres à combattre le mal. Aujourd'hui, ce souvenir revenait à la mémoire du docteur Mariette. Mais ce qu'il y a de plus singulier, c'est que le cadavre du docteur Bouchard, mort subitement dans son cabinet, en présence d'un client qui le consultait, présentait aussi la même caractéristique. Le médecin de quartier qui l'avait assisté au premier moment s'était hâté, dès qu'il avait eu connaissance de l'observation du docteur Mariette, de venir signaler cette particularité. Un reporter avait surpris un entretien des médecins qui, d'ailleurs, dans leur bonne foi, ne cherchaient pas à cacher leurs impressions. Et avec le zèle qui caractérise le métier, il avait couru chez les illustrations médicales afin de leur signaler le fait et de recueillir leur opinion. Ils s'étaient montrés unanimes à confirmer l'avis de leurs confrères sur la rigidité cadavérique, et le cas parut assez singulier et assez urgent pour motiver une démarche auprès du parquet. Dans l'intérêt de la science, une autopsie s'imposait. Seulement, le magistrat exposa au médecin que, comme il n'y avait aucun soupçon de crime, ce que les circonstances ne permettaient pas d'envisager même hypothétiquement, ni de suicide, absolument impossible en l'espèce, l'autopsie ne pouvait être pratiquée par décision de l'autorité judiciaire et qu'il était nécessaire d'obtenir l'autorisation de la famille et en l'espèce de Madame Chardin. Cette pauvre femme, qui dans son affolement n'était pas éloignée de croire que son mari avait été victime de quelque attentat mystérieux, déclara qu'elle acceptait d'avance tout ce qui pourrait aider à la manifestation de la vérité. Or, comme les circonstances qui avaient accompagné la mort de Pierre Chardin écartaient toute idée de cause extérieure, c'est-à-dire pouvant être imputée à autrui, l'imagination de tous travaillait à forger des explications. C'est ainsi que naquit, on ne sait dans le cerveau de qui, l'idée d'une épidémie de forme inconnue, qui ne ressemblait ni de près ni de loin au choléra, ni à l'influenza, ni à la peste, mais qui était d'autant plus effrayante que nul symptôme véritable ne pouvait servir à la caractériser. Des racontars couraient que depuis quelque temps des morts subites avaient frappé d'autres victimes qui, par leur obscurité, avaient échappé à l'attention publique. Plus de doute, Un mal étrange s'abattait sur Paris. Si le nombre des victimes avait été restreint jusqu'ici, il allait peut-être s'augmenter, et un frisson d'épouvante secouait la grande ville, accrue par le mystère dont s'entourèrent les médecins chargés de l'autopsie. En vain, les gens sensés s'efforçaient de remonter le courant et de rassurer la population. La statistique prouvait que les morts subites étaient en rapport infinitésimal quant aux chiffres de la population. Par malheur, un journaliste très connu, et qui avait l'oreille du public, s'imagina, pour amener des lecteurs à son journal dont la vogue baissait, de publier un article sensationnel sous ce titre « Crime, suicide ou épidémie ». Procédant avec une logique serrée, il prouvait que, des trois morts dont se préoccupait l'opinion, pas une ne pouvait être attribuée au crime. Les victimes avaient succombé au milieu de leurs amis ou de leur famille. On avait suivi leurs faits et gestes depuis quelques jours avant leur décès, et il eût été ridicule de croire un attentat, disons le mot, un empoisonnement, qui eût certainement été précédé de symptômes avertisseurs. Par les mêmes raisons, l'hypothèse du suicide était inadmissible. Donc, concluait l'impitoyable raisonneur, il faut attribuer à ces décès des causes naturelles et purement pathologiques. Je ne veux pas m'ériger en prophète de malheur, mais je ne serais nullement surpris qu'éclatât comme un coup de foudre, et à très bref délai, une nouvelle catastrophe. On nous vante les progrès de la science, les immortelles découvertes de Pasteur, de Yersin, du docteur Roux, de Menchnikov. Nous faisons, sans grand espoir malheureusement, appel au génie de ceux qui, enfermés dans leur laboratoire, semblent oublier un peu trop souvent que la mort va plus vite que leur science et qui se désintéressent avec désinvolture des contingences de la vie réelle. Voilà un fait clair, patent, terrible. Voilà une effroyable menace suspendue sur toute une population. Allons, messieurs les thérapeutes, prouvez-nous enfin que ceux-là se sont trompés, qui ont accusé hautement votre science d'avoir fait faillite. Le retentissement de cette mercuriale, au fond cruel et injuste, fut énorme. Les foules sont disposées à l'emballement irraisonné et nul sentiment n'est plus contagieux que la peur. Des manifestations parcoururent les rues et un groupe hostile alla menacer l'institut de la rue Dutot. Le gouvernement fit afficher une proclamation invitant les Parisiens au calme, affirmant que l'hypothèse d'une épidémie ne reposait sur aucune base sérieuse et que dans les tristes incidents de cette dernière période, il ne fallait voir qu'une malheureuse coïncidence. Cette déclaration était signée du président de l'Académie de médecine et de tout le bureau. Une certaine accalmie suivit. Mais il semblait que la fatalité s'acharna à affoler les moins timorés. Tandis que tous attendaient, anxieux, les résultats de l'autopsie du malheureux Pierre Chardin, une nouvelle catastrophe éclata comme un coup de tonnerre. Un des attachés au ministère de l'Instruction publique se trouvait dans le cabinet du sous-secrétaire d'État, qui venait de lui remettre un certain nombre de lettres auxquelles il avait succinctement répondu. Le jeune homme, car M. Jules Devers n'avait pas plus de 25 ans, s'était appuyé sur le bord du bureau, mettre les lettres sous leurs enveloppes, déjà munies de leurs adresses, et de les fermer pour qu'on les jetât à la poste, quand soudain, il jeta les bras en avant, tourna sur lui-même et s'abattit sur le tapis. Inutile d'insister sur cette horrible scène. Ce jeune homme, si plein de vie, si actif, si énergique même, au dire de tous ses collègues, était frappé en toute jeunesse. Aux appels du sous-secrétaire d'État, qu'il avait relevé et porté sur un fauteuil, on accourut et le médecin du ministère fut requis en toute hâte. Mais tous soins furent inutiles. M. Devers était mort. Son père, aussitôt prévenu, arriva au ministère et son désespoir fut tel qu'on dut employer la force pour l'empêcher de se suicider sur le corps de son enfant. Mais le caractère le plus tragique de ce funèbre événement, c'est que le cadavre de M. Devers présentait exactement les mêmes apparences caractéristiques que celles des personnes précédemment frappées de mort subite. En vérité, cette hypothèse d'une épidémie, qui jusque-là semblait émaner du cerveau d'un fou, prenait tout à coup une étonnante vraisemblance. Il semblait que des microbes de mort se fussent mêlés à l'air de Paris et que subitement leur action nocive s'exerça sans qu'on pût ni la prévoir ni la combattre. Le Conseil des ministres se réunit aussitôt pour décider des mesures à prendre et une assemblée plénière de l'Académie de médecine, de la Société de biologie et de l'Association thérapeutique fut tenue au grand amphithéâtre de la Sorbonne. Malgré l'impatience de la population, chez laquelle commençaient à courir des bruits précurseurs des plus grands désordres, comme empoisonnement des fontaines et des conduits de canalisation, légendes renouvelées des pires époques du Moyen-Âge. Cette sorte de conclave scientifique se tint à huis clos. Des barrages de police avaient dû être établis dans le quartier des écoles. L'armée avait été consignée. Il fallait à tout prix protéger les Parisiens contre leurs propres excès, d'autant plus que les passions politiques étaient prêtes à exploiter l'agitation générale et à provoquer des complications dont les résultats pouvaient être irréparables. Bien que le secret des délibérations eût été bien gardé, cependant on savait que les docteurs Préside et Mariette, chargés de l'autopsie de trois des morts, le docteur Bouchard, Pierre Jardin et Jules Devers, devaient communiquer à leurs collègues le résultat de leurs observations. Allait-on donc connaître le mot de l'épouvantable énigme ? À 8 heures du soir parut enfin un numéro spécial du Nouvelliste, sur lequel la foule se jeta avec une sorte de fureur. On arrachait les paquets de numéros des mains des porteurs qui auraient été frustrés de leur recette si, pour quelques-uns qui emportaient les feuilles sans les payer, d'autres ne leur avaient jeté l'argent sans compter les pièces blanches, compensant et au-delà le préjudice causé. Voilà ce que disait le journal. Empoisonnement par l'acide thalatidique. Ses causes, des moyens de s'en préserver. L'assemblée des plus hautes autorités de la science médicale n'aura pas été réunie en vain. Enfin, nous tenons, presque dans son intégralité, la solution de l'angoissant problème qui enfièvre Paris, et nous pouvons affirmer d'ores et déjà que le mal, pour être réel et difficile à combattre, n'en pouvait pas moins être conjuré. C'est affaire à la sagesse des Parisiens qui n'auront qu'à se conformer aux prescriptions énumérées à la fin de cet article. Ce fut au milieu d'un profond silence, alors que tous ses cœurs étaient serrés par une inquiétude poignante, que M. le président du Conseil ouvrit la séance, et après quelques mots émus, donna la parole au docteur Mariette, chargé de présenter en son nom et en celui de son illustre collègue le rapport tant attendu. On comprendra que nous n'entrions pas dans le détail de ce travail, dont la portée scientifique est immense, et qui témoigne d'une érudition dont notre pays peut se montrer fier. Mais les déductions techniques, les analyses d'expérience de laboratoire, la précision d'une langue dont le particularisme échappe aux non-initiés, décourageraient sans la satisfaire la curiosité du public. Aussi nous bornons-nous à un exposé aussi simple et aussi clair que possible, mais nous devons dire dès maintenant que pas un mot n'a été écrit sans le souci d'une parfaite exactitude. L'autopsie des trois cadavres a révélé un fait extraordinaire qui a prouvé immédiatement l'identité des causes de ces morts subites. Des organes mis à nu et sectionnés par le scalpel s'est dégagé une même odeur, pénétrante, caractéristique, que les spécialistes ont reconnue aussitôt pour celle du foie nouvellement coupé. Et cette observation en comportait aussitôt une autre, c'est que cette odeur, toute particulière, est connue de tous les toxicologistes, comme décelant la présence d'une substance dangereuse au premier chef et qui, ne se préparant que dans les laboratoires, ne se trouve pas dans le commerce. On l'a baptisée de ce nom à la fois terrible et expressif, la thanatinine, d'où s'extrait un acide d'une telle virulence que l'acide cyanhydrique, connu pour sa toxicité, semblerait inoffensif auprès de lui. De quelle substance provient la thanatinine? Quelles sont les réactions nécessaires pour l'obtenir à l'état de pureté? Par quelle combinaison la transforme en acide thanatinique? C'est ce que la prudence nous empêche d'indiquer, même avec toute la discrétion possible. Mais ce qui est hors de doute, c'est que cette substance n'existe dans la nature qu'en très petite quantité et qu'un gramme de thanatinine coûte une somme considérable, presque aussi chère que le radium, avec lequel il présente quelques ressemblances au point de vue des effets produits sur l'organisme. L'acide thanatinique a la terrible propriété d'arrêter instantanément toute action musculaire et par conséquent de tuer, de foudroyer tout animal avec l'organisme duquel il se trouve en contact. Il suffit d'en mettre un dixième de milligramme en contact avec une muqueuse pour que ces effets terrifiants se produisent. Nous répétons d'ailleurs que c'est un produit de laboratoire qui n'a pas encore trouvé d'utilisation pratique et qu'il serait impossible de s'en procurer à quelque prix que ce fût. Et cependant, C'est à l'absorption de ce poison que sont dues évidemment les morts subites que nous déplorons. Une enquête a été instituée à l'effet de découvrir si dans quelque laboratoire de la capitale une quantité quelconque de cette substance avait été dérobée. Si invraisemblable que soit cette hypothèse, il faut cependant s'y arrêter. L'acide thanatidique se présente sous l'aspect d'une poudre grisâtre, de la consistance de la farine d'amidon. Elle est inaltérable à l'air, est facilement portée par le vent et disséminée çà et là. Il est donc à craindre que quelques parcelles de cette poudre, à la suite de la fracture d'un flacon ou de toute autre imprudence commise par quelque préparateur, circulent dans l'atmosphère et que le hasard les ait portées dans les cavités buccales ou les bronches des malheureux dont nous déplorons la mort. Ajoutons que la mort par la thanatidine présente exactement les symptômes relevés sur les cadavres et surtout que l'odeur de foin coupé, tout à fait spéciale à cette substance, ne laisse aucune hésitation sur la cause de ces décès. Certes, ces constatations, pour être exactes et certifiées telles par tous les hommes qui se sont occupés spécialement de l'étude des poisons, ne seraient rien moins que rassurantes puisqu'il paraît certain que certaines particules de cette substance peuvent encore circuler dans l'air. Mais heureusement, la nature a mis le remède à côté du mal, et ce remède est d'une telle simplicité que dès ce soir, la population parisienne pourra se considérer comme immunisée contre les effets de ce dangereux poison. Par une de ces étranges combinaisons de la nature qui échappent à toute analyse et à toute explication, cette matière infernalement vénéneuse est absolument neutralisée par une des substances les plus inoffensives, les plus douces, les plus simples qui croisent dans nos champs. Cette substance, c'est la menthe. L'action de la menthe est telle que les chimistes qui se hasardent à préparer la thanatidine, dont les vapeurs sont mortelles, même à froid, le font impunément en tenant entre leurs lèvres une cigarette de menthol. Pour se vacciner, s'immuniser contre la thanatidine, à supposer que quelques particules infinitésimales circulent encore dans l'atmosphère, il suffit donc d'user de la menthe, sous toutes ses formes, soit en vaporisant du menthol dans les diverses pièces de son domicile, soit même, plus simplement, en buvant chaque jour la valeur d'un quart de litre d'infusion de menthe des herboristes. Plus on se saturera soi-même, plus on saturera son logis, voire même les escaliers et les cours intérieurs, et surtout les réduits et cabinets, de l'odeur et de la saveur de la menthe, et plus la certitude s'accentuera d'une immunisation complète contre la thanatidine et ses dérivés. Dès demain, des paquets de menthe seront mis à la disposition de tous les citoyens, gratuitement et avec une instruction sur les meilleurs moyens de l'utiliser. Sur toutes les places de Paris, des braseros seront entretenus ou seront brûlés des broussailles de menthe, de façon à créer une atmosphère artificielle et défensive. En même temps, le gouvernement activera les recherches pour découvrir les causes de cette alerte toute accidentelle qui a causé des malheurs irréparables, mais n'aura pour la population aucune suite dangereuse. Des affiches seront posées dès demain matin dans Paris invitant tous les citoyens, premièrement, à ingérer quotidiennement la valeur de 250 grammes d'infusion de menthe, deuxièmement, à ajouter de la menthe à l'eau servant aux besoins de toilette, troisièmement, à se rincer la bouche avec la même infusion, quatrièmement, à instituer dans le logement et à l'intérieur des maisons des fumigations mentées. Pas d'insouciance, pas de négligence, et les mauvais jours qui viennent de s'écouler ne resteront plus dans la mémoire des Parisiens qu'à l'état de rêve douloureux. Le plus rapidement possible seront publiés les résultats de l'enquête très minutieuse à laquelle se livre l'autorité pour découvrir les causes de l'accident dont notre population a souffert, qu'elle aide d'ailleurs elle-même à ses recherches. Et que dès demain l'odeur et la saveur de l'amant témoignent de la prudence intelligente de nos concitoyens. Malgré les protestations de quelques sceptiques à qui la simplicité du remède préconisait inspirer une certaine défiance, l'article du Nouvelliste produisit un sentiment général de soulagement. Dès les premières heures de la matinée, les mairies furent assiégées par une foule impatiente de se procurer la substance préconisée. Dans les cafés, toutes les liqueurs à base de menthe, la glaciale, le peppermint remplacèrent toutes les autres consommations. De tous les carrefours s'élevaient des nuages légers qui embaumaient l'air. Les Parisiens, avec leur versatilité ordinaire, semblaient avoir oublié toute leur terreur. Les obsèques des victimes dont les cadavres avaient révélé sous le scalpel des chirurgiens le secret de l'énigme effrayante, furent célébrés en grande pompe aux frais du gouvernement, dont les représentants accompagnèrent le cortège jusqu'au cimetière où des discours furent prononcés exaltant la science qui avait triomphé du fléau déchaîné sur Paris. Ainsi que Fouinard l'avait dit à ses amis, il se mêla à la foule qui suivait le corps de l'homme auquel il avait voué une affection si profonde. Afin de n'être parcellé par la curiosité indiscrète des reporters, il s'était déguisé de façon à se rendre méconnaissable. Aussi nul ne s'inquiéta de lui quand, au sortir du cimetière, il aborda le préfet de police, M. Larose, qui, très soucieux, semblait absorbé par ses réflexions. Et comme le préfet semblait étonné de se voir serré d'aussi près par un inconnu, Fouinard se nomma tout bas. M. Larose s'arrêta court et le regarda attentivement et lui prit le bras. « Ah, que je suis heureux de vous voir !» lui dit-il. « Qu'êtes-vous donc devenu ? Si j'avais su où vous trouver, je vous aurais fait demander dès le début de cette sinistre aventure. » Il l'entraîna jusqu'à sa voiture et l'y fit monter. « Monsieur Fouinard, lui dit-il, nous ne nous sommes pas revus depuis les stupides affaires de cet animal de pied de bœuf. Qu'est-il devenu ? Demanda Toto. « Je l'ai envoyé au Congo. Qu'il y crève, peu m'importe. Quant à Monsieur Charlet, je le tiens en étroite surveillance. Assez de gaffe comme cela, n'est-ce pas ? À la moindre incartade, je le casse au gage et c'est toi définitivement, il le sait, et je le tiens par la crainte. Nous verrons bien. » Mais puisqu'un bon hasard nous a remis en présence, causons. Que dites-vous de ce qui se passe? Et vous? Repartit délibérément Fouinard. Je serai franc avec vous. Je suis très reconnaissant à ces messieurs de la faculté et au gouvernement de tout ce qu'ils ont fait pour arrêter la terrible panique qui s'était emparée de Paris. Mais je lis dans vos yeux que vous êtes de mon avis. Cette aventure n'est pas finie. Je serai aussi franc que vous. J'ai la même conviction. Que croyez-vous ? Je n'en sais rien, donc je ne crois rien. Cependant, je ne vous dissimulerai pas que j'ai quelques idées vagues. Est-ce que vous supposez que ces malheureux aient succombé à la suite d'attentats criminels ? Je vous répète, mon cher préfet, que je me garde toujours des suppositions. Je cherche des idées, j'en étudie la justesse, et quand je crois avoir trouvé un terrain solide, je marche. Avez-vous trouvé ce terrain ? Pas encore, et pourtant... « Tenez, monsieur le préfet, on vient d'enterrer un des hommes que j'aimais le plus au monde, Pierre Chardin, qui m'a témoigné naguère une bonté que je n'oublierai jamais. Et je me demande si je dois seulement pleurer sa mort ou si j'ai à la venger. Une vengeance suppose un acte criminel. Les circonstances dans lesquelles il est mort écartent toute hypothèse de crime. Dites toujours, semble écarter. Ce qui est le plus vraisemblable n'est pas par cela même certain. » Ah, si vous vouliez vous en mêler. Moi aussi, je suis persuadé qu'il y a là un mystère que personne ne soupçonne. J'en ai la notion, mais je manque de la moindre donnée. Je suis sûr que vous avez quelque idée de derrière la tête. Ce peut être vrai. Avez-vous réuni tous les dossiers de ces morts subites ? Ils sont sur mon bureau. J'entends non pas seulement les dossiers relatifs aux morts sensationnelles qui ont ému Paris, en raison de la notoriété des décédés, mais il y a eu très probablement d'autres morts subites. De personnages sans importance, des recherches dans les maisons seraient faciles. Certes, désirez-vous que je les fasse faire ? S'il vous plaît, et le plus rapidement possible. En 24 heures, je puis réunir tous ces documents. Eh bien, monsieur le préfet, mettez-les à ma disposition. Je ne vous promets rien, mais je vous le répète, j'aimais beaucoup Pierre Chardin. Le préfet le regarda. Entre ces deux hommes qui s'étaient appréciés et s'estimaient profondément, une entente s'établissait. Vous aurez vos dossiers avant 2 jours, je vous le promets. Autre chose, vous savez que je ne veux à aucun prix être attaché à votre administration. Si les quelques criminels à poursuivre, à atteindre, j'entends agir seul et en toute responsabilité personnelle. Mais il se peut que j'ai des démarches à faire auprès d'honnêtes gens. Pour leur imposer rapidement confiance, j'aurai besoin d'une sorte de passe-partout, signé de vous, et qui me dispensera de trop longues explications. Le préfet réfléchit un instant. Je vous comprends fort bien et n'hésite pas à vous aider, mais j'ai toujours peur de froisser votre susceptibilité. Dites-moi votre idée. La voici. Vous ne voulez pas, et je vous approuve, être attaché officiellement à la préfecture. Vous voulez avoir vos coups d'effrange et toute enrégimentation vous répugne. Mais que diriez-vous du titre de secrétaire particulier, non du préfet de police, mais de M. Larose ? Ceci me plairait, à la condition que ma mission fût temporaire et limitée à l'affaire dont je m'occuperais. Comme vous voudrez. Dictez-vous-même vos conditions. Eh bien, joignez au dossier que vous m'enverrez une douzaine de vos cartes de visite, avec une formule de présentation, de garantie pour votre secrétaire. C'est entendu. Et croyez bien qu'en aucun cas je ne vous désavouerai. Je ne me mettrai pas, soyez-en sûr, en position d'être désavoué. Ah, prenez mon adresse provisoire. Je suis obligé de ne pas rentrer chez moi, où les reporters et les photographes me guettent. Je loge chez Michel Gervais, rue Château-Landon, 17. C'est à ce nom que vous m'enverrez les pièces en question. Ce sera fait. Un dernier mot. Vous croyez à des crimes ? Fouinard le regarda dans les yeux. Je crois à un crime. Au revoir, monsieur le préfet, et j'attends de vos nouvelles.